Mélomane, l'émission pour vous, les fous de la musique. Vous êtes à l'antenne du 99.1 et 88.9 CFNJ. Mathieu Lajoie au micro pour vous servir et Mélomane, édition du 3 février 2016, qui va faire écho à l'émission de la semaine passée où on a exploré le monde du jazz. Et oui, j'imagine que ça n'a pas été facile pour tout le monde la semaine dernière, j'en suis conscient. Mais quand même, des beaux commentaires de gens qui, malgré le fait que le jazz soit pas leur tasse de thé, m'ont dit qu'ils ont trouvé ça très instructif. Et vous pouvez pas me faire plus plaisir parce que c'est en plein la mission de Mélomane. Donc, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, vous vous rappelez peut-être qu'on a fini ça avec quelques pièces d'un jazz bluesé qui vont faire office de lien avec ce qui s'en vient aujourd'hui. Vous l'avez deviné, ce soir, on aura droit à un spécial blues, le cousin du jazz. Et faites-vous-en pas, ça risque par définition d'être pas mal plus accessible que la semaine dernière. On se le cachera pas, le blues rejoint peut-être un peu plus le commun des mortels duquel on fait tous partie. Du moins, le blues a eu une influence sur à peu près toutes les musiques qu'on peut écouter aujourd'hui, donc on lui doit un respect bien mérité. Alors, on va suivre un peu le même format que la semaine dernière. On commence ça avec un, deux, trois blocs de musique qui sera pas du blues du tout, question d'amener un peu de variété, et ensuite du vrai de vrai blues pour le reste de la soirée. Donc, la semaine passée, on y a été pour le début de l'émission dans le très récent. Ce soir, tout aussi varié, mais on commence ça dans les années 70, ou plus précisément en 79. Pourquoi pas du bon B-52s au 99.1 CFNJ. We'll be right back. hitting so hard, living with the things you do to me. My dreams are getting so strange, I like to tell you everything I see. She's the passionate one. Oh, yeah, it was like lightning. Everybody was fighting. And the music was soothing. And they all started grooving. Yeah, yeah, yeah, yeah. And the man at the back said, everyone attack, and it turned into a ballroom blitz. And the girl in the corner said, fire on the money, it'll turn into a ballroom blitz. Ballroom blitz. Ballroom blitz. Touching nothing's all I ever do. Oh, I softly call you over when you feel there's nothing left in you. Uh-huh. Now the man in the back is ready to crack as he raises his hands to the sky. And the girl in the corner is everyone's one. She could kill you with a wink of her eye. Oh, yeah, it was electric. FNJ 99.1 et 88.9, avec vous partout dans la Naudière. Her lover, it seems. programme Mélomane au 99.1 et 88.9 CFNJ, avec vous partout dans la Nodière, et René Martel qu'on vient d'entendre en 1972 avec son gros succès « Si on pouvait recommencer », qui était précédé d'une autre pièce québécoise un petit peu plus obscure. Cette fois-ci, il s'agissait de Claire Lepage et compagnie avec « Rendez-vous » de 1970. Claire Lepage, une chanteuse qui a connu un certain succès fin 60, début 70, et qui est justement revenue début 70 avec un groupe qui s'appelait « Compagnie », finalement, au sein duquel on pouvait retrouver Germain Gauthier, un guitariste très connu, de talent, qui a joué avec à peu près tous les grands noms du temps. Là, on parle de Nicole Martin, Diane Dufresne, entre autres. Et même dans les années 80, Martine Sinclair, Nanette Workman, Marie-Carmen, Joe Bocan et même Petula Clark, et j'en passe. Donc, des fois, des grands oubliés comme ça, des musiciens qui ont joué avec à peu près tout le monde. Sinon, on a aussi entendu la très belle Dreamboat Annie du groupe Heart des deux sœurs Wilson en 1976. Première fois qu'on entend le groupe à l'émission, ça sera sûrement pas la dernière. Un gros classique aussi du groupe glam de Sweet, dont on avait déjà entendu Love is Like Oxygen lors de la toute première de Mélomane, si je ne m'abuse. On a entendu ici leur plus gros succès en carrière. On parle bien sûr de Ballroom Blitz, une pièce de 1973. Et sinon, dans le un peu plus corsé, un groupe qu'on aurait certainement pu mettre dans notre bloc sur les origines du punk de l'autre jour. Les Stooges, menés par l'extravagant Iggy Pop en 1970, avec Down on the Street, tiré de l'album No Fun de la même année. Et le tout amorcé par mes B-52s chéris, avec tiré de leur premier album, que je vous conseille fortement, 52 Girls de 1979. Un album dont la face A est parfaite, rien de moins si on pense en termes de vinyle, évidemment. Et j'ai même su plus tard que John Lennon aurait dit que c'était son album préféré du moment, juste un peu avant sa mort. Et on poursuit tout de go, toujours dans les années 70, avec une grande compositrice dont on va reparler tantôt, Carole King, au 99.1 CFNJ. Au 99.1 et 88.9 CFNJ, c'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. CFNJ. Tumbling down, I feel the earth move. tumbling down, a tumbling down, tumbling Stranger is inspired, but he isn't. 99.1 et 88.9 CFNJ. Oh, just close my eyes again. Climbed aboard the dream with a chain. Driver, take away my worries of today. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. CFNJ 99.1 Gary Wright, qu'on vient d'entendre avec Dreamweaver, une chanson qu'on dirait toute droit sortie des années 80. C'est normal puisque c'est considéré comme la toute première pièce de synth-pop ou si vous préférez de pop synthétiseur qui a dominé beaucoup les années 80. Mais cette pièce, nous, provient de 1975. Donc, assez innovateur en son genre, ce Gary Wright. On a aussi entendu une plus rare de 1977, une année qui, en passant, a été représentée par trois chansons dans le bloc. Donc, on a entendu le Dwight Twiley Band avec « Looking for the Magic », quand même assez rare. Et on est resté dans le rock assez sucré avec Cheap Trick la même année avec I Want You to Want Me, grosse tune pop qui a commencé sa vie comme une joke et qui a fini par être un gros hit quand même. Et toujours en 77, c'est Billy Joel qui nous chantait La Pomme avec The Stranger, tiré de l'excellent album du même nom. Pas mal un des albums les plus importants de M. Joel, d'ailleurs. Mais c'est Mme Carole King qui a ouvert le bal avec la première chanson d'un des albums les plus vendus des années 70, Tapestry, sorti en 71. Vous vous rappelez, on la voyait assise sur le bord d'une fenêtre avec son chat. Et on a entendu de cet album le succès « I Feel the Earth Move ». Mais des succès, Carole King, elle en a à la pelle parce que la majeure partie de ses chansons, elle les a écrites pour les autres. En fait, c'est pour ça que Tapestry était si spécial. Elle reprenait plusieurs de ses vieilles chansons qui avaient été popularisées par d'autres artistes et des nouvelles chansons aussi. Et il y a vraiment beaucoup de ses compositions qu'on connaît tous sans savoir que c'est elle qui les a composées. Comme par exemple, un petit exemple comme ça de Locomotion, gros hit des années 60, qui était chanté par Little Eva, si je ne me trompe pas. Eh bien, c'est elle qui a écrit ça. Il y a même une de ses chansons, Chains, qui s'est retrouvée sur le tout premier album des Beatles. Donc, c'est pas rien. Mais là, je vous résume ça bien vite. Allez voir ça si ça vous intéresse. Carole King, vous allez tomber sur une mine d'or de succès. Et il est maintenant venu le temps, après le Méloman Jazz de la semaine passée, d'en venir aujourd'hui à l'inévitable Méloman Blues. Et on commence ça en grand avec un géant du genre, Muddy Waters, 99 CFNJ. One day men go crazy when a woman wears a dress so tight. Why do men go crazy when a woman wears a dress so tight? Must be the same old thing that makes a tomcat fight all night. Why do all of these men try to run a big leg woman down? Why do all of these men try to run a big leg woman down? Must be the same old thing that makes a bulldog hug a hound. Oh, that same thing. Oh, that same thing. Tell me who's to blame? The whole world fighting about that same thing. What make you feel so good when your baby get her evening gown? What make you feel so good when your baby get her evening gown? Must be the same old thing that made a preacher lay his Bible down. Oh, that same thing. Oh, that same thing. Well, I'm a king bee, buzzing around your hive. Well, I'm a king bee, buzzing around your hive. Well, I can make honey, baby, let me come inside. I'm young and able to buzz all night long. I'm young and able to buzz all night long. Well, when you hear me buzzing, baby, some stinging is going on. Well, buzz a while. Sting it then. Well, I'm a king bee, want you to be my queen. Well, I'm a king bee, want you to be my queen. Together we can make honey the world have never seen. Averses pour les prochaines heures, ça va cesser au cours de la nuit. Nuageux ensuite, température près de 3 degrés. Jeudi, des nuages, quelques averses de pluie ou de neige, température près de 3. Et ensoleillé vendredi, maximum de moins 3. Et les secteurs du Nord, Saint-Michel et les environs, pour les prochaines heures, quelques averses qui cessent au cours de la nuit. Des nuages par la suite, température stable près de 0. Jeudi, nuageux, maximum de 0. Et ensoleillé pour vendredi, maximum de moins 5. CFNG. Yeah. be your personal manager, babe. I wanna do everything I can for you. I wanna be your personal manager, babe. I wanna do everything I can for you. Yes, I wanna be right there beside you, little girl. When all of your so-called friends are through. If you sign my contract, baby. You know all your worries is over for you. If you sign my contract, babe, you know all of your worries is over for you. Yeah, I wanna be your milkman every morning. Your ice cream man when the day is due. I wanna be with you, baby. You can rest for sure, little girl, that I won't let nothing go down wrong. I wanna be your personal manager, babe. I wanna do everything I can for you. Yes, I wanna be your milkman every morning. Your ice cream man when the day is through. That's right. De retour à Méloman Blues au 99.1 et 88.9 CFNJ. Mathieu Lajoie avec vous jusqu'à minuit. Et oui, c'est dans le vaste monde du blues qu'on fait nos explorations ce soir. Après avoir fait une visite chez son cousin le jazz la semaine dernière, on s'est tenu dans les gros noms pas mal pour notre premier bloc. On a entre autres entendu ceux qu'on surnomme les trois kings du blues, presque les trois ténors si on veut, soit B.B. King que vous connaissiez sûrement déjà, Freddie King qu'on connaît un petit peu moins peut-être, et Albert King qu'on vient tout juste d'entendre avec Personal Manager de 1967. Une chanson qu'on pouvait retrouver sur pas mal son album le plus connu, soit Born Under a Bad Sign, enregistré chez Stax, et c'est donc le groupe maison d'étiquettes de disques et ceux qui font le thème de Mélomanes, Booker T et CMGs, qui l'accompagnait ici. Mais ça, on en avait plus amplement parlé lors du spécial Stax du 7 octobre dernier. En passant, s'il y a des émissions passées de Mélomanes que vous avez manquées, Facebook, Mathieu Lajoie, ou cherchez Mélomanes Radio sur Facebook toujours, il y aura moyen là-dessus. Donc, Albert King, qui était précédé d'un jeune B.B. King avec la classique « Every Day I Have the Blues » de 1955, une vieille chanson qui a été enregistrée par une panoplie d'artistes de Memphis Slim à Count Basie, le Count Basie Orchestra. Mais c'est vraiment à B.B. King qu'on l'associe maintenant, ou du moins depuis 1955. Donc, c'était vraiment un jeune B.B. King, un petit peu plus slim qu'on est habitué de le voir. On est resté dans le thème des Kings quand même, avec le classique du Swamp Blues, I'm a King Bee, de l'harmoniciste Slim Harpo en 1957. Une chanson au cachet quand même inimitable, faut le dire, qui a d'ailleurs gagné un Grammy Hall of Fame Award qui récompense les pièces qui ont une importance historique significative. Écoutez, on aurait beau la reprendre 100 fois, on n'arrivera jamais au même résultat. Et ce qui est le fun ce soir, c'est qu'on va se rendre compte qu'il y a vraiment plusieurs styles de blues différents, dépendamment des régions. Et pour cette pièce-là, on était dans le Swamp Blues, le blues de la swamp, mesdames et messieurs, une variation du blues de la Louisiane qui est né à peu près dans les années 50 à Bâton Rouge, dit-on, et qui sonne vraiment bayou, comme on a pu l'entendre. On a aussi entendu juste avant Freddie King, le premier des trois Kings qu'on a entendu ce soir, avec Hideaway, une pièce instrumentale qui a eu une grande influence sur toute la scène du blues britannique, dont on va reparler tantôt, entre autres. Et sinon, on a commencé ça par le roi incontesté du blues de Chicago, le premier blues électrique. Un gars qui nous vient ironiquement pourtant du Delta du Mississippi où le blues acoustique est vraiment plus fort. Muddy Waters en 66 avec The Same Thing. Et autant il y a eu beaucoup de représentants, il n'y a pas eu beaucoup, pardon, de représentants de la guitare dans notre spécial jazz de la semaine passée, autant il va en avoir ce soir. C'est peut-être pour ça que j'ai été la pédale douce dans la guitare la semaine passée. On va d'ailleurs entendre avec T-Bone Walker pas mal mon guitariste préféré de la soirée en la personne de Clarence Gatemouth Brown, un guitariste plus méconnu, mais vraiment très articulé, qui nous vient du Texas cette fois-ci. On va l'entendre avec She Winked Her Eye de 1973, mais tout d'abord, on y va d'une pièce de la légende Robert Johnson, dont on n'aura pas bien le temps de parler ce soir, malheureusement. Il y en aurait tellement à dire et on a un programme assez chargé. Donc, la pièce « Dust My Broom » ou « I Believe I'll Dust My Broom », c'est selon, dans sa version la plus connue de 1951, Elmore James au 99.1 CFNJ.

au 99.1 et 88.9 CFNJ. Vous écoutez Mathieu Lajoie. I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? You went away and left me alone. Please don't be angry with me, baby, because I'm going away. Please don't be angry with me, baby, because I'm going away. I've told you all about your mistakes, but you didn't hear a word I say. I'm so tired of worrying, I don't know just what to do. I'm so tired of worrying, I don't know just what to do. I'm sorry, baby, I just can't put up with you. But you just wasn't satisfied with me. Well, I tried to please you, baby. You just wasn't satisfied with me. I've had the blues ever since I met you, baby. Now you won't to be free. Et vous êtes toujours en plein Méloman Blues au 99.1 et 88.9 CFNJ. Et on entend en ce moment même un vieil enregistrement de 1939 d'un guitariste de jazz qui nous joue un blues et qui s'appelle Charlie Christian. Et la raison pour laquelle je vous le fais entendre, c'est pour vous montrer que la ligne est souvent mince entre le jazz et le blues, comme on en avait parlé un peu en fin d'émission la semaine passée. Parce que voyez-vous, Charlie Christian était un ami de jeunesse de celui qu'on a entendu juste avant, T-Bone Walker, de qui on a pu entendre l'excellente « Get These Blues Off Me » de 1951. Mais l'idée, c'est que les deux vont être des amis d'enfance, ou presque, et un va prendre la route du jazz et l'autre celle du blues. Et le plus beau là-dedans, c'est que les deux vont révolutionner la guitare, chacun dans leur style. Et évidemment, ils vont y aller chacun aussi d'un blues jazzé et d'un jazz bluesé au fil de leur carrière. Donc, voilà pour l'histoire accélérée de ces deux géants de la guitare, des noms à retenir, Charlie Christian et T-Bone Walker, que je vous encourage à découvrir. T-Bone Walker, qui a été une énorme influence sur B.B. King ou Chuck Berry, par exemple. Donc, on a exploré le blues un peu jazzé, mais aussi le côté plus rhythm and blues des choses, un style qui va donner naissance, lui, presque directement au rock and roll. On a entendu dans ce style-là « I Hear You Knocking » de Smiley Lewis en 1955, une chanson qu'on avait déjà entendue à l'émission dans sa version reprise par Dave Edmunds dans les années 70. Mais c'est à l'original qu'on a eu droit ici par, comme on disait, Smiley Lewis, un gars de la Nouvelle-Orléans dont la carrière a pas mal été malheureusement écourtée par l'énorme succès que va remporter Fats Domino, soit dit en passant. Toujours du côté plus R&B, un classique de l'émission, Screaming Jay Hawkins avec I Put a Spell on You de 1956. qui était précédé d'un vieux blues, très vieux blues de 1914, composé par W.C. Handy, plutôt, le blues de Saint-Louis, qui, juste pour brouiller les cartes un peu, est devenu un standard de jazz. Donc, encore une fois, le lien assez ténu. Une très belle pièce qu'on a entendue dans le spécial jazz la semaine dernière par l'orchestre de Gil Evans et qu'on entend encore dans notre spécial blues, cette fois-ci par Fausto Papetti en 1965. Mais là, on y retourne avec un blues de Chicago bien sonné, avec celui qui a sûrement composé le plus grand nombre de standards de blues et qui les chante lui-même pour la première fois en 1970. Willie Dixon au 99.1 CFNJ. Sleep. I'm somewhere making my midnight creep. And every morning when the rooster crows, he's telling me that is the time to go. I am the back door man. I am the back door. the teacher of the room. And what a time did they have that day at school. CFNJ. Merci, merci beaucoup tout le monde. Vous êtes toujours au 99.1 et 88.9 CFNJ à la première édition de Meloman Blues. Et on vient d'entendre la performance légendaire de Matt Guitar Murphy et le Murphy's Guitar Boogie de 1963. Matt Murphy, qui va être plus tard nul autre que le guitariste des Blues Brothers dans le fameux film de 1980, mais aussi à Saturday Night Live, d'où viennent en fait les Blues Brothers originellement formés par Dan Aykroyd et John Belushi. On a aussi entendu l'excellent Otis Rush, un des grands noms du blues de Chicago, pour qui j'ai dû faire un choix déchirant, mais j'ai statué sur la merveilleuse You Know My Love, une petite perle cachée de 1960, encore une fois à saveur un peu R&B. Et juste avant, c'est le jeune Buddy Guy qu'on a entendu en 1968 avec, tiré de son album A Man and the Blues, Mary Had a Little Lamb, basé sur la fameuse comptine, et la version de Buddy Guy qui va être reprise en 83 par Stevie Ray Vaughan. Et là, j'ai le goût de vous envoyer un petit Ruth Brown au 99.1 CFNJ. Should I let myself go in his direction? Is his love strong enough for my heart's protection? Ooh, if I gave him my heart, would he refuse it? Would he tear it apart or tenderly use it? Too much. Could a heart so right be led so wrong? If his love is weak, would it last this long? Cheating, my babe. Oh yeah, she don't stand no cheating, my babe. Oh yeah, she don't stand no cheating. She don't stand none of that midnight creeping, my babe. True little baby, my babe. My babe, I know she'd love me, my babe. Oh yes, I know she love me, my baby. Oh yes, I know she love me. She don't do nothing but kiss and hug me, my baby. true little baby, my baby. She do so pleasing, my baby. True little baby, my baby. My baby don't stand no fooling, my baby. Oh yeah, she don't stand no fooling, my baby. Oh yeah, she don't stand no fooling. When she's hot, there ain't no cooling, my baby. True little baby, is my baby. My baby, she's my baby, she's my baby, she's my baby. If you're a long way from home, can't sleep at night, grab your telephone, something just ain't right. That's evil, evil. Get in your stove. That's evil. Evil is going on home. I am warning you, brother. You better watch your happy home. Smoking off you half the whole bone. That's evil. Evil is going on wrong. I am warning you, brother. You better watch your happy home. CFNJ 99.1.

Ooh-wee. I just need somebody. Somebody got to help me. Oh Lord, sing these blues. Look here, look at here, baby. Come. Toujours sur les ondes du 99.1 CFNJ, partout dans la Nodière. Un slow blues intense tiré de l'excellent Hoodoo Man Blues de 1965. Un classique du style de Chicago. On a entendu l'intemporel In the Wee Wee Hours. Un enregistrement où on peut entendre Junior Wells à l'harmonica avec un son dévastateur, il faut le dire. Mais aussi, encore une fois, un jeune Buddy Guy en arrière-plan à la guitare. Une des très bonnes ce soir, du moins à mon goût, à moi. Sinon, on a entendu la pièce explosive de Johnny Guitar Watson avec Space Guitar de 1954. Une pièce qui est une pionnière en matière de feedback et de reverb dans l'histoire de la musique, qui va donner naissance à toute la vague surf et ainsi de suite qu'on a déjà exploré un peu à l'émission. Et juste avant, un autre slow blues saveur un peu plus R&B avec Need You So Bad en 1956 par Little Willie John, qui est aussi celui qui a composé la fameuse Fever dont on a parlé dernièrement à l'émission. Et c'était précédé de deux gros noms du fameux label Chess de Chicago où vont enregistrer Muddy Waters, Willie Dixon, Etta James, Chuck Berry, qu'on n'aura pas tous le temps d'écouter ce soir, malheureusement, mais aussi le terrifiant Howlin' Wolf, qu'on a entendu ici avec Evil en 1954, et Little Walter avec le classique My Babe de 1955. On y retourne, si on veut avoir le temps de tout entendre. On va commencer à entendre des Blancs, tranquillement, pas vite, qui vont se pointer le bout du nez dans le monde du blues, dont Dale Hawkins, qu'on écoute à l'instant, 99.1 CFNJ. Me, yeah. Ooh. going to do that and get me a mojo hand. I'm going to do that and get me a mojo hand. I'm going to fix my woman so she can't have no other man. Cold ground was my bed last night. Rocks was my pillow too. Cold ground was my bed last night. Rocks was my pillow too. I woke up this morning, I was wondering, what in the world am I gonna do? I lay down thinking, bite me a mojo hand. I lay down thinking about me a mojo hand. I didn't want to fix my woman so she can't have no other man. But don't let your woman fix you like mine fix me. Don't let your woman, boy, fix you like mine fix me. She'll make a fool about her, a body the fool can be. Now can a woman act funny when she got another man? Can a woman act funny when she got another man? You know she won't look straight at you. This is always written sin. Going tomorrow, but I won't be gone long. I'm going tomorrow, but I won't be gone very long. I'm gonna get me a mojo hand. I'm gonna bring it back home. That's what I'm gonna do. 99.1 et 88.9 CFNJ. Thank you. you make it back, babe. licks my eyes. The world, he licks my bone. Feels so suicidal, just like the love is a gun. Girl, you know the reason why. Black cloud crossed my mind. Boom is from my soul. Feels so suicidal. Even hang my rock and roll. I'll die. Yeah, I'm gonna die. If I ain't dead already. Woo! Girl, you know the reason why. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. Et oui, les Beatles qui sont loin d'être étrangers au blues et qu'on vient d'entendre avec Your Blues de Lennon dans sa période plus noire de l'album blanc. Mais quel paradoxe! On était en 1968 et il existe une version de cette chanson dans le Rolling Stones Rock and Roll Circus où Lennon est accompagné d'Eric Clapton, Keith Richards et de Mitch Mitchell, batteur du Jimi Hendrix Experience. Donc, si ça vous dit... Et c'est justement les Rolling Stones qu'on a entendu juste avant avec ce qui est sûrement un de leurs blues les mieux réussis en carrière, du moins certainement le plus hypnotisant. Il s'agissait de Little Red Rooster de 1964, une pièce où Brian Jones est à l'honneur à la guitare slide et à l'harmonica. Et les Rolling Stones, qu'il ne faut pas l'oublier, c'était originellement formé par Brian Jones qui voulait partir un groupe de blues. Donc, Little Red Rooster a fait très plaisir à enregistrer à M. Jones qui trouvait déjà que les Stones faisaient de la musique trop commerciale en 64. Donc, imaginez. Bref, vous aurez deviné qu'on se dirige tranquillement vers toute la vague du blues britannique qui va naître un peu en parallèle des Beatles en Angleterre. Il y avait aussi des jeunes Américains blancs, par contre, qui découvraient le blues à ce moment-là aussi. Et on a entendu un bel exemple de ça avec le Paul Butterfield Blues Band et leur Morning Blues de 1968. Et pour la première moitié du bloc, on s'est tenu dans des classiques de Lightning Hopkins, blues acoustique du Texas avec Mojo Hand de 1960, qui était précédé d'Etta James, La Dame de chez Chess avec l'énorme I'd Rather Go Blind de 1968, et le tout amorcé par Susie Q de Dale Hawkins, qui va être repopularisé plus tard par CCR, entre autres, version que vous connaissez sûrement déjà. Et maintenant, on plonge la tête, la première, dans le British Blues, et on reste en 1968 avec la première incarnation moins connue d'un groupe dont je vous ai parlé quelques fois. Et c'était justement un des groupes préférés de Lennon dans ces années-là. On y va avec une pièce que vous connaissez mieux dans sa version latine de Santana, mais qui est originalement un blues composé par l'excellent guitariste Peter Green de Fleetwood Mac au 99.1 CFNJ. Mmh.

precious, but a black cat crossed my trail. Bad luck ain't got me so far, and I won't let it stop me now. The dogs begin to bark all over my neighborhood, and that ain't all. CFNJ 99.1 et 88.9, avec vous partout dans la Naudière. Thank you. Méloman, spécial blues au 99.1 et 88.9 CFNJ. Mathieu Lajoie avec vous jusqu'à minuit. Et on était plongé dans le monde du blues britannique des années 60, bord en bord dans notre dernier bloc. En fait, à une pièce près, et cette pièce, on vient de l'entendre dans toute sa perfection. On ne peut pas passer à côté. Jimi Hendrix, petit gars de Seattle en 1967 avec l'inimitable Red House. Jimi Hendrix, qui, il faut le dire, était un guitariste de blues avant tout. Sinon, dans toute cette vague du British Blues, deux gars qui ont fait leurs écoles, qui ont fait leur école, pardon, dans les Yardbirds, back-à-back, les Yardbirds dont on a souvent parlé, soit Jeff Beck avec son Jeff Beck Group en 1968 et sa reprise du standard de Willie Dixon, originalement popularisé par Howlin' Wolf, I Ain't Superstitious, une chanson qui va venir en plusieurs versions, dont une plutôt inusitée de Megadeth en 86 sur l'album Peace Sells. Bref, un gros classique. Et c'est bien Rod Stewart que vous avez entendu à la voix chanteur du Jeff Beck Group. C'est ça, quand t'as pas de voix, t'es obligé d'engager Rod Stewart, qui, à ce moment-là, aimait pas mal traîner avec les Bluesmen et les Faces et les Stones, etc. Et l'autre guitariste des Yardbirds, eh bien, c'était Eric Clapton, je vous le donne en mille, au sein des Blues Breakers sur l'album légendaire de John Mayall, un pionnier du blues britannique avec Little Girl en 66. Et tout ça qui avait commencé avec Black Magic Woman de Fleetwood Mac en 68, parce que oui, c'est une chanson de Fleetwood Mac et non de Santana originellement. Groupe qui a commencé sa carrière comme groupe de blues, vraiment, fondé par Peter Green. Un guitariste qu'on peut facilement classer parmi les Clapton, Beck et Page, un grand oublié, un des grands acteurs du British Blues que les gens connaissent malheureusement moins. Donc on reste encore un peu du côté blanc du blues avec un groupe qu'on associe toujours un peu au fameux festival de Woodstock. On écoute Canned Heat au 99.1 CFNJ. But I'm out on the road again. I'm on the road again. But I'm so tired of crying. But I'm out on the road again. I'm on the road again. I ain't got no woman just to call my special friend. You know the first time I traveled out in the

left for me. Every night I said it kind of makes me laugh for drag, drag, drag, drag. Felt like rain. Avec vous, partout dans la Naudière. 99.1 et 88.9 CFNJ. Rumors spread around in that Texas town. About the shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know. If you wanna go to that home out on the range, they got a lot of nice girls.

and left me. Papa died and left me. I ain't good looking, baby. I'm someone sweet and kind. Go on to the country. Baby, do you wanna go? Well, if you can't make it, baby, your sister Lucille said she wanna go. Toujours à cette édition blues de Mélomane qui s'achève déjà au 99.1 CFNJ. On entend en ce moment le roi de la Telecaster, Albert Collins, avec son classique Snow Cone 2 de 1962. Albert Collins du Texas, qui est en fait le cousin de Lightning Hopkins, qu'on a entendu tantôt, et c'est lui en fait qui l'a introduit au monde de la guitare, le cousin plus vieux. On a aussi entendu la guitare Slide fluide de Duane Allman du Allman Brothers Band en 71 avec leur version du Statesboro Blues, composée en 1928 originalement par Blind Willie McTell. C'était précédé du Blues de la Métropole de Beau Dommage, que vous avez reconnu, les seuls représentants québécois du spécial blues de ce soir. On aurait pu faire jouer d'autres artistes, j'ai pensé à vous en faire jouer une vieille d'Offenbach entre autres, mais elle était un petit peu longue. Sinon, gros hit barbu du Texas, La Grange de ZZ Top en 73 avec son riff de guitare presque copié de Boogie Chillin' de John Lee Hooker. Un autre qu'on n'a pas eu le temps d'écouter ce soir malheureusement, mais ce n'est que partie remise. Et bien sûr, on a aussi entendu le grand slow blues du groupe Led Zepp, Since I've Been Loving You, tiré de l'album Led Zeppelin 3 de 1970. Et le tout qui avait commencé avec Canned Heat en 68 avec On the Road Again. Et c'est déjà tout pour le premier Mélomane Blues. Il y en aura sûrement d'autres, dépendamment de si vous avez aimé ça ou non. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez appris des choses. On se donne rendez-vous mercredi prochain pour une autre édition de Mélomane où on fera un petit clin d'œil à la Saint-Valentin en musique, entre autres. Donc, mercredi 10 février à partir de 21h sur les ondes de CFNJ. Je vous laisse avec un groupe qui a commencé sa carrière en tant que band de blues et qui s'appelait Earth, en vous souhaitant une bonne semaine. Warning au 99.1 CFNJ. Drove by the sea. Thank you. CFNG.